L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. Une équipe européenne d'astronomes vient de publier une belle observation, celle du premier spectre de lumière visible réfléchi par la surface d'une exoplanète. Il s'agit de plus de l'une des exoplanètes les plus célèbres, car étant la toute première découverte en orbite autour d'une étoile du type du Soleil, 51 Pegasi b. L'exoplanète 51 Pegasi b se situe à une distance de 50 années-lumière de la Terre, en orbite autour de l'étoile 51 Pegasi dans la constellation de Pégase. Elle a été découverte il y a déjà 20 ans. C'est une planète archétype de celles qu'on appelle des Jupiters chauds, qui sont assez communes. Ces exoplanètes sont assez similaires en taille à Jupiter, mais se trouvent beaucoup plus près de leur étoile que ne l'est Jupiter du Soleil. L'équipe de l'astrophysicien doctorant portugais Jorge Martins de l'Instituto de Astrofísica e Ciencias do Espaço de l'Université de Porto, qui travaille à l'ESO au Chili, a utilisé l'instrument ARPS monté sur le télescope de 3,60 m de l'observatoire de La Silla. La technique la plus répandue jusqu'à aujourd'hui pour observer des spectres de lumière en provenance d'exoplanètes est d'observer des raies d'absorption quand la planète passe devant son étoile. Il s'agit d'une méthode de spectroscopie par transmission. La nouvelle méthode appliquée par Martins et ses collègues consiste à mesurer la lumière de l'étoile qui est réfléchie par l'atmosphère de l'exoplanète. On parle alors de spectroscopie par réflexion. Le gros avantage de cette méthode est que les observations ne dépendent plus de l'existence d'un transit de la planète devant son étoile. Elle peut ainsi être appliquée sur de très nombreuses exoplanètes et à tout moment, sauf si elles se trouvent derrière leur étoile, bien sûr. Et grâce à la spectroscopie par réflexion, de nombreuses caractéristiques de la planète étudiée peuvent être déduites, qui ne sont pas accessibles par les autres méthodes d'analyse existantes. Le principe de l'observation spectroscopique par réflexion consiste d'abord à mesurer précisément le spectre de l'étoile, ici 51 Pegasi, puis à chercher dans sa proximité immédiate un petit point de lumière montrant les mêmes raies spectrales. C'est la planète. La tâche est extrêmement délicate du fait de la taille très très petite de la planète. Ces nouvelles données spectroscopiques permettent de fournir aux astronomes des caractéristiques comme la masse de la planète ainsi que son inclinaison orbitale, données essentielles si on veut bien comprendre le système stellaire en question. De plus, la réflectivité, ou albédo, peut être déterminée, ce qui permet de déduire la composition de la surface et de l'atmosphère de l'exoplanète. 51 Pegasi b a donc une masse qui vaut la moitié de celle de Jupiter, et son orbite est inclinée d'environ 9 degrés par rapport à la direction 51 Peg Terre. 51 Pegasi b, malgré sa plus faible masse, semble plus grosse en diamètre que Jupiter, entre 1,6 et 1,9 fois plus grosse, et a une plus forte réflectivité. Ces caractéristiques semblent néanmoins normales pour une planète de ce type à cette distance de son étoile. Ce qui rend cette observation vraiment très intéressante, au-delà de ces nouvelles analyses, c'est que le télescope utilisé n'était pas très bien adapté pour ce type d'observation. Cela rend les astronomes très optimistes, car ils vont bientôt pouvoir utiliser des spectrographes bien plus puissants, comme par exemple le spectrographe Espresso, sur des télescopes bien plus grands, comme le VLT ou le futur EELT. En attendant, si cela vous intéresse, vous avez la possibilité de proposer un nom pour cette exoplanète 51 Pegasi b, un concours ouvert à tous et donc proposé par l'Union Astronomique Internationale et l'association Zooniverse. Ça se passe par là, donc le www.nameexoworlds.org. On retrouve cet article consacré à cette nouvelle méthode de mesure spectroscopique dans Astronomy and Astrophysics sous le titre « Evidence for a spectroscopic direct detection of a reflected light from 51 Pegasi B par George Martins et al. Ainsi qu'un communiqué de presse de l'ESO qui reprend ses principaux résultats. Je mets le lien à la fin de ce post également. Voilà, c'est dit. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. N'oubliez pas notre quiz hebdomadaire. Nous en sommes déjà au 6e et bientôt le 7e qui va arriver très très vite dès demain. 10 questions par semaine pour apprendre l'astrophysique tout en s'amusant. C'est uniquement sur Ça se passe là-haut. Le www.saspasselahaut.fr. Gardez les yeux au ciel et les pieds sur terre.